cours numéro 35. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. As-salatu was-salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fama'da akhadna fi darsina al-akhir, c'est que nous rappelle le sujet de notre dernier dars. Total. وما المراد بهذا الباب؟ هذا الباب والأبواب التي بعده عند من؟ تفضل. أن نحلف بغير الله. نعم وأعم من ذلك. C'est plus vaste que الحلف عند من؟ تفضل. نعم يحذر رحمة الله عليه في هذه الأبواب la fin du livre. Beaucoup de chapitres c'est sur النهي عن بعض الألفاظ, des paroles prononcées avec la langue, comme le fait de jurer par autre qu'Allah ou dire لولا فلان فما حصل كذا. Tout ça c'est من الشرك الأصغر كما تقدم معنا في الباب. واليوم راح نقرا بابا اخر وذلك واخا ressemble. C'est دائما في الالفاظ الشركيه ما شاء الله وشئت, فياتي معنا باب في هذا. وكذلك بعض التسميات الغير اللائقه كملك الملوك. فهذه الابواب ce chapitre faut bien comprendre c'est sur هذا اي بعض الألفاظ. الألفاظ c'est le pluriel de لفظ, أي des paroles qui sont prononcées par certains. وفيها نوع من الشرك, c'est du شرك أصغر à la base. وشيخ الإسلام il a cité في كتاب التوحيد, لماذا؟ لأن ça fait du mal au توحيد, أي ça diminue الإيمان. Et لا شك أن الذي يقع في هذا فصن توحيد il est pas كامل. Enfin, c'est pour ça que Cheikh al-Islam il a cité هذه الأبواب. قوله فلا تجعلوا لله أندادا, ماذا قلنا في قوله عز وجل أندادا عند من؟ الذين ما أجابوا. تفضل. أنه الشرك. الأنداد هو الشرك. نعم جمع ند. وماذا قلنا؟ On a ajouté une chose, تفضل. نعم أن المراد في هذا الباب الشرك الأصغر. فالتنديد قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. على كل حال الله سبحانه وتعالى nous a interdit les deux. فلا تجعلوا لله أندادا, que ce soit du شرك أكبر bien sûr, وتقدم معنا والله الحمد depuis le début du livre, أو الشرك الأصغر. Et c'est la plupart des chapitres de la fin de ce livre. Man yurid yaqra. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أو باب قولي ما شاء الله وشئت، وهذا تقدم معنا أي الحكم dans les abwab précédents. قوله عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا في باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. On avait étudié ensemble cette mas'ala, لكن شيخ الإسلام هنا رحمة الله عليه il a cité هذه المسألة في باب مستقل. لماذا؟ لأن هذا اللفظ الشركي لي ريبوندو في الأمة. Beaucoup de gens y prononcent des paroles مثل هذه et الحقيقة في اللفظ du shirk ما شاء الله وشئت. Vous avez remarqué que فيه تسوية بين الله وبين مخلوق ما شاء الله وشئت. Et ce que Allah il a voulu et toi aussi. Et pour le haqiqa, هذا اللفظ فيه ما فيه. Et le هذا النبي صلى الله عليه وسلم il nous a interdit مثل هذا اللفظ. ما شاء الله ثم شاء فلان. أو ما شاء الله وحده. لأن المشيئة elle est بيد الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما العبد لا مشيئة. المشيئة c'est la volonté. Enfin, l'être humain, il a une volonté. Celui qui veut faire du bien, il fait du bien. Celui qui veut faire du shar, yadam billah, il va essayer de le faire. Lakin hadhihi al-mashi'a, cette volonté, elle est taht mashi'atillah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qahir, c'est le malik. Tout ce qui se passe fi hadha al-kawn, tout ce que ses serviteurs y font, min khayr ou min shar, que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses, fassi biyadillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Et c'est pas possible qu'une chose elle se passe fi mulkillahi azza wa jal sans sa volonté subhanahu. Al-abd il a une volonté, lakin cette volonté elle est sous la volonté d'Allah. Et si Allah il veut, na'am, ce abd il fera cette chose. Si Allah il veut pas, même si l'abd il veut, cette chose elle arrivera pas. Le fait de dire ma sha Allah wa fulan ou wa sha'a fulan, vous avez remarqué que vihi naw' min ash-shirk fi al-lafz. Vu que le mashi'a c'est lillahi azza wa jal, et mashi'atu al-'abd elle est sous mashi'atillah 'azza wa jall, enfin on n'a pas à dire ma sha Allah wa sha'a fulan, on dit ma sha Allah. Et si on cite une créature, un 'abd, on dit thumma fulan. Qala Cheikh al-Fawzan hafidahu Allah ta'ala an hadha al-bab dakhil fi qawli Allah ta'ala wa la taj'alu lillahi andadan wa qad sabaqa bayan munasabatihi. Hadha al-bab, na'am, c'est la même chose que le bab précédent. Le bab qui était avant le bab précédent. قوله رحمة الله عليه عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة والكعبة تقدم معنا قسم أي والكعبة أي vous jurez par le Kaaba. وهذا تقدم في الباب السابق. Le fait de jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk asghar, c'est ça l'asl. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. نعم الحديث لصحيح كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله عليه لصحح. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مناسبته والحديث للباب أن فيه بيان أن نقول ما شاء الله وشئت شرك. لأن اليهودي quand il est venu voir le Nabi صلى الله عليه وسلم قال إنكم تشركون أي vous faites du shirk. ثم il a cité des exemples ما شاء الله وشئت والكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض عليه, il n'a pas contredit, لا بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم, il leur a ordonné أنهم سيجور, ils jurent par Allah et ils disent pas ورب الك, ils disent plutôt ورب الكعبة, et ils jurent par Allah, ils disent ما شاء الله ثم شئت. Donc ça nous montre qu'un قول ما شاء الله وشئت c'est du shirk, et c'est du shirk أصغر. إلا إذا اعتقد أن المعطوف مساو لله, هذا c'est du shirk أكبر كما أبين الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد. سوف سي واحد عياذا بالله دي ما شاء الله وشئت يعتقد أن المعطوف أي لا كخاتور كالسيتي avec Allah subhanahu wa ta'ala, مثلا ما شاء الله وشاء فلان وهو يعتقد أن فلان لمساوي لله عز وجل, هذا لا شك أنه سيد الشرك أكبر. لكن الناس quand ils disent ما شاء الله وشاء فلان لا يريدون هذا en général. فلهذا شيخ ابن عثيمين إلى السيتي le deuxième cas, قال وإن اعتقد أنه دون لكن أشرك به في اللفظ أي بقول وو و فهو أصغر. نعم إسسا لبعض أنه سيد الشرك أصغر. قال شيخ ابن باز رحمه الله وقد يكون من الشرك الأكبر إذا أراد أن له أشياء مستقلة يتصرف فيها عياذا بالله. فتلما واحد يقول ما شاء الله وشاء فلان إلى عقيدة أن فلان كذلك يتصرف في الكون et peut changer les choses et il peut donner à un tel et il peut enlever à un tel من دون الله عز وجل, فهذا لا شك أنه سيد الشرك أكبر. وإلا على بعض سك سيد الشرك أصغر, هذا صفى بقتي الإشراك في اللفظ كم لفد جوغي. قال رحمه الله وله أيضا أي الإمام النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت, فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Ça nous montre, c'est un dalil, أن التنديد قد يكون من الشرك الأصغر. لأن هذا القول سي من الشرك أي في الألفاظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلتني لله ندا مع أنه سألفظ. فهذا فقوله فلا تجعلوا لله أندادا سانغلوب الشرك الأكبر والأصغر. بل ما شاء الله وحده الحديث كذلك حسنه الشيخ الألباني كما في الحاشية. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أنه أفاد أي الحديث أن التلفظ بما شاء الله وشاء محمد وما أشبهها من الألفاظ شرك أصغر. نعم فالسي في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز دير ما شاء الله وشاء محمد مع أنه سأفضل البشر عليه الصلاة والسلام, فلا شك أن غير النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه سيد الشرك أصغر. فعلى كل حال نستفيد نحن من هذه الأبواب أن الإنسان يفي attention quand il parle, فلا يرجم بالكلام هكذا بدون مبالاة. فسختن كلمات سيد الشرك عيادا بالله. الإنسان يفي attention et دائما et ça montre قوة التوحيد وأن القلب il est pas في غفلة إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى كما تقدم. وكذلك ما كان خاصا بالله عز وجل فلا نذكر معه النطق sauf si bien sûr dans certains cas c'est جائز avec حرف ثم. et ça montre qu'il n'y a pas le حرف واو لأن حرف الواو يفيد المساواة أنه ils sont égaux. جاء محمد وزيد, محمد وزيد ils sont venus. أما si tu dis ثم فثم يفيد الترتيب أي النغض. ففي هذا الحال لا شك أنه سبا دو الشرك. نعم والمناسبة كما ينذيق في الحقيقة نعم ست في الحديث الذي بعده لكن سهل نقرأ. قال ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنه. الطفيل صحابي رضي الله عنه et c'était le frère de Aïcha لكن من أمها, c'était pas le fils de Abu Bakr, لا c'était le fils de Aïcha من أمها, ils avaient la même mère. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. أي dans ce rêve الطفيل رضي الله عنه رأى أنه il est passé devant un groupe de juifs. فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. أي il leur a montré أنهم sont على خطر avec هذا القول. C'est le shirk بالله عز وجل. Cette عقيدة أن عزير c'est le fils d'Allah. Al-Yahoud, ils lui ont répondu dans ce rêve. Ils lui ont dit, « Wa antum la antum al-qawm. Antum, vous êtes à la khayr, law la annakum taquloun ma sha Allah wa sha Muhammad. » Ils lui ont dit, « Antum kadhalik. Vous faites une erreur, vous dites, ma sha Allah wa sha Muhammad. » Vous citez Allah subhanahu wa ta'ala, vous citez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وتقدم معنا أن هذا الشرك بالله عز وجل في الألفاظ قال ثم مررت بنفر من النصارى après cela il est passé devant un groupe de chrétiens فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله كذلك il aura reproché cette عقيدة فاسدة ce قول خطير أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام c'est le fils d'Allah فقالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد النصارى ils ont dit comme les juifs أي أنتم كذلك وفتنغر وديت ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته le lendemain الطفيل il a informé certaines personnes de ce rêve ثم il est parti voir النبي صلى الله عليه وسلم il l'a informé فقال صلى الله عليه وسلم هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم أي الطفيل رضي الله عنه il a fait un rêve et il a informé certains d'entre vous de ce qu'il a vu أي l'histoire qu'on a lu ensemble ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده فالنبي صلى الله عليه وسلم il leur a montré أنهم نعم لا يقولون هذا ils doivent pas dire ما شاء الله وشاء محمد لكن ils doivent dire ما شاء الله وحده et dans l'autre hadith ما شاء الله ثم شئت على كل حال الأفضل c'est de dire ما شاء الله وحده et le fait de dire ما شاء الله ثم شاء فلان هذا c'est permis c'est جائز مناسبة هذا الحديث c'est comme les hadiths précédents أن قول ما شاء الله وشاء فلان c'est من الشرك الأصغر فلهذا شيخ الإسلام il a cité tous ces hadiths في كتاب التوحيد لماذا لأن الشرك الأصغر صاف diminuer توحيد المؤمن في هذه القصة فائدة عظيمة ذكرها بعض أهل العلم منهم شيخ صالح آل الشيخ وفقه الله تعالى في التمهيد أن الإنسان إذا أخبره حتى مبطل من المبطلين بحق فلا يجوز رد الحق on n'a pas le droit de rejeter la vérité en prétextant que فلان c'est un مبطل فلان c'est un مبتدع ou فلان c'est un كافر et on rejette فلا يجوز هذا الحق يقبل on doit accepter الحق فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم en se basant sur ce rêve et là chacun des Yahoud كانوا يقولون هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم il les a mis en garde contre هذه الكلمة pourtant c'est les Yahoud qui ont reproché et les Yahoud c'est des mushrikoun c'est des ashrar لكن الحق c'est الحق هذا c'est مهم فإذا جاءنا حق on l'accepte même si c'est من عدو même si c'est من منحرف si c'est un حق يقبل تنبيه آخر deuxième remarque أنه ça veut pas dire qu'on prend le حق عند أهل الباطل تأملوا لأن ابن عباس رضي الله عنه مرة رأى بعض الناس في زمنه il demandait à certains juifs, certains chrétiens بعض المسائل est-ce qu'elles sont citées dans leur livre إلى آخره فزجرهم ابن عباس رضي الله عنهما et il leur a démontré أنهم ils viennent jamais de demander الحق qu'on a fait le Coran. فلماذا vous allez leur demander ça montre un nahi عن طلب الحق عند المبطلين. فبين فرق les deux situations. أما si t'informes مثلا un de tes proches ou واحد t'interpelle dans la rue ou واحد t'envoie un message c'est un عدو من الأعداء إما كافر إما مبتدع إما si c'est un حق فأنا accepte la chèque مثلا يهودي on le croise et il veut nous parler il nous dit Allah il est fils sama il nous dit nous on a une aqida aussi on pense que Allah il est au-dessus des cieux est-ce qu'on va dire c'est un juif il ment non sadaqaka wa huwa kadhoub comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vi Iblis il a dit la vérité ça reste un menteur ça reste un kafir il y a une différence entre accepter si Wahid est informé et aller demander. Amma faire comme ils font, ils veulent rechercher le haq inda al-mubtilin, c'est khatir jidda. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. Ne t'approche pas de al-zalimin, que ce soit des kafra ou des mushrikin, khassatan pour des masail de ton din. Naam, on fait attention à ça. Les salafs, ils ont interdit. Wa min manhajihim annahum, ils ont interdit que واحد يطلب العلم ou il demande un haq عند المبطل. Et المبطل lui-même, il a pas, il applique pas le haq. Fa kayfa satastafidun. Deuxième chose, كذلك ان هذا الحق, que بعض الناس veulent demander عند اهل البدع ou عند الكفر عيادا بالله, si c'est un haq, il sera forcément موجود عند اهل السنه. Tu n'as pas besoin de demander al haq عند المبطل. Ça c'est une mas'ala très très importante et on l'a détaillé كثيرا. Amma si ce haq واحد est informe, لا شك سي حق سي حق الحمد لله اللي موجود عند اهل السنه اما لو دوموندي فاحذروا من هذا الله حتى لا لونغ عرب بعض الاخوه يتساهلون في هذا يبغى ابخون لا لونغ عرب والتجويد او سيغتان مسائل ربما يتساهلون يزابخن هذا عند اهل البدع يبريتند انه سي كو لا لونغ عرب لا لونغ عرب سي كلكو شوز دو عظيم سي لغه القران وكذلك لا لونغ عرب ربما هذا المبطل عياد بالله تسد الشبه et ton cœur est faible et tu t'égares à cause de la langue arabe avec des amphila, avec des relations ربما تحبه واحد يبغى te mettre en garde et t'acceptera plus et ça c'est بداية الزير عياد بالله فالإنسان يحذر prends العلم عند أهل الخير عند أهل الاستقامة si tu peux pas قدر الله وما شاء فعل personne t'impose au-dessus de tes capacités أما tu mets en danger ton دين pour apprendre la langue arabe ou pour apprendre le Coran. من كلفك وأين منهج السلف ابن عباس رضي الله عنه كان يقول لا تجالسوا أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة للقلوب أي ne fréquentez pas les innovateurs le fait de fréquenter ça va te rendre malade إما الشبه إما الطعن في أهل الحق ils vont te mettre des doutes والعجيب أن البعض cite comme cause ou plutôt pour répondre quand ils sont mis en garde contre Hada et le fait de s'asseoir avec des innovateurs. Fayaqulun la, lakin je prends que le haq. Est-ce que tu connais le haq awulan? Et est-ce que tu as la capacité de mayyiz bayn al haq wal batil? Khassatan si tu t'assois vers ce professeur, si on prend l'exemple pour apprendre, maintenant le Coran ou la langue arabe, c'est qu'il a plus de ilm que toi dans ce domaine, la preuve tu veux apprendre inda. Est-ce que tu auras la capacité? فالجاهل si ça soit la base c'est un ignorant c'est qu'il n'a pas la capacité ربما il va te citer un mithal في النحو tu vas penser que c'est حق أنت et peut-être que ce mithal عياذا بالله فيه تحريف لصفة من صفات الله ou peut-être que il va t'enseigner le Coran et là chacun a le مدرس le professeur il parle avec ses élèves une nasiha il va t'encourager ربما des autres personnes ils vont le fréquenter ils vont apprendre avec toi et c'est من أهل الشر والجليس يتأثر بجليسه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن الإنسان il est touché par ses fréquentations لا بد هذا فالحذر on fait attention لأن البعض يبخن ce genre de أدلة كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن إبليس il a informé أن la nuit si récite آيات الكرسي فالشيطان il peut pas l'approcher صدق قوه هو كذوب قال النبي صلى الله عليه وسلم البعض يخنس دليل pour dire regardez ils ont pris Abu Huraira il a pris ce hadith ce علم من إبليس هذا c'est un فهم بعيد جدا Abu Huraira رضي الله عنه القصة il a attrapé cet homme quand il venait voler toutes les nuits il a akhiri مهم c'était un شيطان ثم ce شيطان pour que Abu Huraira le délaisse il l'a informé de cette faïda و أبو هريرة il a pas accepté directement il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a affirmé نعم فسي نسنة فسي النبي صلى الله عليه وسلم كي a accepté هذا أما البعض يبخن هذا يستدلون أنهم يبغل يتجي عند أهل البدع يقولون on prend que le حق العلماء ils ont mis en garde contre الشبه Non. Enfin, c'est comme si واحد, il veut boire un verre d'eau, il y a du poison. Et il prétend, il va boire l'eau et il va éviter le poison. Là, c'est mélangé. Ils vont te mélanger le haq avec le batil. Tu ne pourras plus faire la différence. Il préserve son din. Il préserve son din et il ne fréquente pas Ahl al-Shar. قال الشيخ سعدي رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة فلا تجعلوا لله أندادا هذا ولله الحمد ce chapitre il est compris. قال رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كذلك ce chapitre c'est sur Al-Arfa. سب الدهر أي insulter le temps. قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في التمهيد أي في مناسبة الباب. Pourquoi Cheikh Al-Islam il a cité Hadal Bab? C'est quoi le lien entre le fait d'insulter le temps et Kitab al-Tawhid? Qala anna sab al-dahr min al-alfaz allati la tajuz wa at-takhallus minha wajib wa isti'maluha munafin li kamal al-tawhid wa hadha yahsul min al-jahl kathiran fa innahum idha hasala lahum fi zaman shay'un la yasurruhum sab dhalika az-zaman. Ça arrive, hadha sahih min al-jahl. Min al-awam, ça arrive beaucoup. Alors, s'il se passe quelque chose dans tel jour, Robama, ils insultent le temps. On a cette journée, kada wa yasubun. Kada les gbarduhum, ils insultent le temps quand il pleut ou quand il fait trop chaud. Et yasubun. Et ils mettent la faute sur le temps. Hada c'est min al-jahl. Qala, wa hada l'échec. لا يتوجه في إلى الزمن لأن الزمن شيء لا يفعل وإنما يفعل فيه. C'est pour ça que c'est grave. Il y en a واحد مثلا il insulte le temps. Est-ce que le temps il fait quelque chose? Non. Le temps c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le temps c'est nous on fait des choses dans ce temps. C'est pas le temps qui fait. Enfin, il va l'insulter. Donc, qui c'est qui gère ce temps? Qui fait tomber la pluie? Qui fait que le climat, cette période, il est froid ou il est chaud, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, celui qui insulte le temps, il insulte le créateur de ce temps. C'est pour ça que c'est grave. Qala, لِأَنَّ الزَّمَنَ لَا شَيْءٌ لَا يُفْعَلْ لِأَنَّ الزَّمَنَ شَيْءٌ لَا يَفْعَلْ وَإِنَّمَا يُفْعَلْ فِيهِ وَهُوَ أَذِيَّةٌ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Et là, chaque fois, quand il insulte son qasd, c'est pas insulter Allah. Il a insulté Allah, c'est du kufr. Lakin, ça implique هذا. C'est pour ça que c'est du min al-shirk al-asghar. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مناسبة الآية للباب أي وما يهلكنا إلا الدهر في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر ومن نسبها إلى الدهر أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر ومن نسبها إلى الدهر فسوف يسب الدهر وإذا وقع فيه ما يكرهه. أي نعم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Vous avez remarqué أنهم ils ont جعلوا الدهر c'est lui qui va les faire périr. Alors que celui qui donne la vie et qui donne la mort c'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال ومن نسبها إلى الدهر فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكره. أي vu que هم ils ont cette عقيدة أن c'est le temps qui fait, enfin s'il se passe quelque chose ils insultent le temps. الكفار يسون على هذا المبدأ. كثير منهم on a déjà fait ce tambih أنهم quand il se passe une chose ils mettent la faute sur la nature comme ils appellent ou sur le temps. Oui, ils insultent. Ils insultent imma le temps, imma le climat quand il fait telle chaleur. وهذا لا شك أنه c'est خطير. لماذا؟ لأن celui qui a créé ce temps et qui gère ce temps c'est Allah. فلا بد من الأدب. Quand il fait très chaud on dit قدر الله ونصبر. Ben, on se rappelle, anna cette chaleur, comme a déjà avait le hadith, anna c'est min hararati jahannam. Anna jahannam tatanaffas marratayn. Tatanaffas marratayn. Et l'enfer, tatanaffas, ça vient de tanaffus, respirer deux fois dans l'année. النبي صلى الله عليه وسلم a démontré ما نجد من شدة الحرارة ومن شدة البرد. Quand il fait extrêmement froid, c'est min hada at-tanaffus, et c'est min jahannam. Et quand il fait extrêmement chaud, c'est min jahannam. Fait al-haqiqa, c'est un rappel pour le mu'min. يتذكر. Quand il fait très très chaud, rappelle-toi أن نار جهنم elle est أشد. Et ça te permet de te remettre en question. Dans certains pays, il fait très très chaud. Et les habitants, ils souffrent. Maintenant, c'est une chaleur. Tu vas patienter. Le froid, quand il fait très très froid, tellement qu'il fait froid, pardon, il se brûle. Ça arrive. Là. Tellement qu'il fait froid, tu as la peau comme si tu es brûlé. Et ils يذكرون أنه سنوع من عذاب جهنم, le froid extrême. C'est un rappel pour nous. أما insulté فهذا سمنا الجهال. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. الحديث كما في الحاشية إلى في الصحيحين إلى deuxième رواية في صحيح مسلم. لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر أي مالك الدهر. Et c'est Allah qui a créé le temps, c'est Allah qui gère le temps. Enfin, on n'a pas le droit d'insulter ce temps. Et dans le premier hadith, يُؤْذِينِ ابْنُ آدَمْ. نعم, الْأَذَى c'est faire du mal. أي بِهَذَا اللَّفْضِ يَسُبُّ الدَّهْرُ وَأَنَا الدَّهْرُ. والله سبحانه وتعالى غنيٌ. Ce kalam, ça lui enlève rien, عز وجل. لكن, pour montrer أَنَّ هَذَا لَا يَلِقْ. المؤمن, il n'a pas à dire ce genre de parole. Et insulter le temps. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سب الدهر ينقسم الى ثلاثه اقسام فائده pour connaître le hukm. Et le fait d'insulter le temps, il y a plusieurs cas. قال اولا ان يقصد الخبر المحض دون اللوم. هذا الحقيقه c'est pas insulté, il informe فقط. قال فهذا جائز. هذا c'est permis. لأن c'est pas insulté. Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité dans cette masala, cette catégorie. لماذا لأن بعض الناس peuvent penser que c'est insulté. مثلا tu informes qu'il fait très très chaud ou il fait très très froid, لكن sans te plaindre, c'est une information صحيح أنه il fait très chaud aujourd'hui. Est-ce qu'on va dire لا أخي لا تقول هذا. Ne dis pas il fait très très chaud لأن on a des hadith أنه il faut pas insulter le temps. لا, هذا c'est من الإخبار, informer qu'il fait très chaud, c'est permis et il y a aucun mal. قال شيخ ابن عثيمين مثل أن يقول تعبنا من شدة الحر. Hey, on est fatigué, cette journée elle est fatigante tellement qu'il fait chaud. Si c'est من باب الإخبار, c'est pas pour se plaindre إلى آخره, فهذا لا بأس. قال الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر, فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقا. Deuxième cas, il insulte le temps. Il a la conviction que c'est le temps qui fait les choses. C'est le temps qui a créé cette pluie. C'est le temps qui a créé ce froid. Il insulte le temps. C'est du shirk akbar. Et il n'y a aucun doute. Il est واحد. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan. Et c'est le cas qui arrive beaucoup. Et c'est pour ça que Cheikhul Islam il a cité هذا الباب هنا. أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل بل يعتقد أن الله هو الفاعل. هذا الشخص va insulter le temps, pas parce que c'est le temps qui fait telle chose. Non, le temps c'est un moment où qu'on fait des choses. Le temps il fait rien. C'est Allah qui a créé le temps et c'est pour faire des choses. لكن il insulte ce temps. قال لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده. Pourquoi il insulte le temps? لأنه cette chose qu'il n'aime pas s'est passée. Maintenant tellement qu'il fait chaud, il insulte. عياذا بالله. Enfin, ouais, il n'a pas l'aqida أن c'est le temps qui a créé cette chaleur ou cette pluie ou ce climat. Là, c'est Allah qui crée tout. لكن il insulte لأن ça lui fait du mal à ce moment. قال فهذا حرام ولا يصل إلى درجة الشرك. نعم, c'est pas du shirk. لأنه ça montre sa faiblesse et c'est son lafz qui est haram. هذا حقيقة c'est pas du shirk. قال وهو من السفه في العقل والضلال في الدين. صحيح, c'est de l'égarement في الدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit هذا de insulter le temps. Et كذلك c'est سفه في العقل, Et ça montre la faiblesse d'esprit de cette personne. Pourquoi ? قال شيخ ابن عثيمين لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه وتعالى لأن الحقيقة quand il insulte كأنه il est pas d'accord alors que c'est Allah qui a créé cette chose, cette chaleur ou ce temps. قال لأن الله تعالى هو الذي يتصرف يصر أو نعم يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد وليس هذا السب يكفر أو يكفر نعم يكفر لأنه نعم يكفر لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة. أما insulter Allah directement ça fait sortir de l'islam. لكن insulter le temps, les ulama ils disent c'est haram لأن c'est Allah qui a créé ce temps, donc c'est comme s'il n'était pas d'accord, il insultait. لكن c'est pas du shirk akbar, c'est pas de la grande mécréance. لماذا لأنه il a pas insulté directement Allah. لكن ça reste grave. على كل حال on fait attention. Et comme قال العلماء, et on va lire que la Mouchir Saadi, il n'y a aucune utilité. T'insultes, ça va changer quoi? Là, bel insan, il prend des leçons. Quand il subit une épreuve, quand un mal il le touche, quand il est plus à l'aise, il prend des ibar. Le froid, fil haqiqa tastafid minhu ashiya. Min al fawaid, par exemple, quand il fait très froid, tahmad Allah subhanahu wa ta'ala que tu as un toit. Et tu as de quoi te couvrir. Et tu as où dormir. Et tu as de quoi te réchauffer. Alors, les gens, ils n'ont pas tout ça. Fatahmad Allah. Mais insulter, ça va t'apporter quoi? Ça fait que descendre la foi, c'est pour ça que Cheikh l'Islam il l'a cité, et éloigner la personne d'Allah. Quand il fait très très chaud, kadhalik, tastafid fawa'id. Quand il fait très très chaud. Et on a cité la fa'ida de se rappeler Jahannam. Lakin kathir min an-nas, iyadan billah, ils sont tellement une foi faible qu'ils pensent qu'à eux, et dès qu'ils sont touchés par quelque chose qui ne va pas, iyadan billah, infi'al. Ils perdent leurs moyens. Vous avez déjà vu, un al-ba'd, il s'énerve parce qu'il fait chaud. Iyadan billah. Alors que ça change rien. Rubama, son énervement, ça lui augmente. Quand tu t'énerves, ton sang est chaud, il faut qu'il soit aqil. Et vous avez remarqué que hada, c'est lié avec tawhid. Plus l'insan, il fait des efforts fil ilm. Et oui, at-tawhid, il connaît Allah Azza wa Jal, et tu le trouveras aqilan, hadian, très calme, aqil, et yasbir. Et al-kuffar, ils ont des ajaïb. Yassouboun ila akhri, yassouboun al-dahr kathiran, ayyadan billah. Lianahum, c'est des malahida. Qala al-shir Sa'di rahimahullah, bab man sabba al-dahr, faqad sabba Allah, wa hadha waqa'a kathiran fil jahiliya, wa tabi'ahum ala hadha kathir min al-fussaq, wal-majan wal-hamqa, al-majan ay min al-mujun, wal-hamqa, ça vient de l'humq, أي لا فولي. وإذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت. هذا c'était كثير في الجاهلية أي l'époque avant l'islam. Et وعد الناس إلى يومنا هذا تأثروا بهذا وبالكفرة. Et ils insultent le temps à chaque fois qu'il y a une chose عيادا بالله qui les touche. ربما c'est quelque chose de minime لكن لا يصبرون. قال وربما لعنوه عيادا بالله ربما لعنوني مدس. وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم. ضعف الدين لماذا؟ لأن c'est un manque de patience et un manque de rida بقدر الله. Alors que celui qui est son din il est قوي, l'iman قوي, il connaît le tawhid, il sait que c'est min Allah. Et comme on l'a dit, il voit les bons côtés et il prend des fawaid, il tire des leçons de هذا, il avance. أما بعض الحمقى كما قال ومن الحمق والجهل العظيم فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء. صحيح. Pourquoi insulter le temps? Et le temps il fait rien le temps. Celui qui gère le temps c'est Allah سبحانه وتعالى. وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. Et cette partie du hadith elle fasser قوله وأنا الدهر. Ne pas comprendre أن الدهر c'est من أسماء الله. لأن الله قال أنا الدهر et je suis le temps. Ne pas comprendre أن الدهر le temps ça fait partie des noms d'Allah. Là le temps il est créé et Allah c'est le créateur. لكن أنا الدهر il est expliqué dans le hadith أقلب الليل والنهار. Qui c'est qui gère la nuit, le jour, le froid, la chaleur? C'est Allah سبحانه وتعالى. Il fait ce qu'il veut, c'est son mulk, c'est son royaume عز وجل. قال فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء فإنه مدبر مصرف والمدبر c'est Allah. مدبر أي c'est le temps qui est géré et celui qui gère c'est Allah عز وجل قال والتصاريف الواقع فيه تدبير العزيز الحكيم ففي الحقيقة يقع العيب والسبت على مدبره مع أن celui qui insulte si c'est un mu'min là chacun a son intention c'est pas d'insulter Allah c'est pour ça qu'il sort pas de l'islam mais ça reste haram et c'est un lafd qui fait beaucoup de mal à l'iman c'est pour ça que l'auteur il l'a cité dans son livre قال وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها ويغلق باب الصبر الواجب وهذا مناف للتوحيد صحيح ça, c'est un problème في دين الإنسان il a un problème dans sa foi il a des faiblesses et كذلك dans sa raison لأن est-ce que ça va arranger quelque chose أبدا le fait d'insulter le fait de se plaindre ça arrange rien قال وهذا مناف للتوحيد أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره وبذلك يتم توحيده وطمأنينته هذا حال المؤمن صبر زي remarquez que ça c'est من أوصاف المؤمنين la patience والهدوء والطمأنينة calme, patience. كذلك عقيدة قوية أن سبي قدر الله. هؤلاء qui patient pas parce que à cause du temps, il m'a fait chaud, il m'a fait froid, il m'a. فما بالك عند المصائب. S'ils sont touchés par une grosse épreuve, la perte d'un proche ou la perte des biens ou quelqu'un veut leur faire du mal, هل سيصبرون أبدا؟ فالإنسان يعود نفسه على الصبر. Et il fait attention, ça vient des kafaras. Et ils insultent le temps. Ils insultent le temps. Les malades, ils doivent faire du sport. Ou ils devaient sortir, et il pleut. Il insulte. Le temps, il est kafara. C'est Allah qui a créé ça. Et est-ce que cette insulte, ça va changer le temps? بل إنسان العاقل مثلا tu devais faire quelque chose une sortie أو شيء من هذا et il pleut أو il y a trop de vent tu ne peux plus فالحمد لله العاقل il dit الحمد لله قدر الله et il remplace il y a beaucoup d'activités beaucoup de choses à faire et on éduque nos enfants à la hada أما se plaindre à cause du temps كما قال العلماء ضعف في الدين وضعف في العقل قال باب التسمي بقاضي القضاء. On lit les deux derniers bab, لأن ils sont très très simples. قال التسمي بقاضي القضاء ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهن شاه. هذا باللغة الفارسية. Ça c'est en perse. Et c'est la même معنى. Malik al-Amlak, ça veut dire. Enfin, que ça soit dit en arabe ou en, avec la langue perse ou en français ou la yajouz. قال وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. هذا الباب, Cheikh al-Islam, رحمه الله, il l'a cité دائما في الألفاظ. Le fait de dire هذا اللفظ, قاضي القضاء, الحقيقة فيه شيء من عدم الأدب مع الله. Al-Qadi, c'est le juge. Al-Qudha, c'est les juges. Et le juge des juges. Et fil haqiqa, c'est. Hada, c'est. La yambari. Ou wahad, il dit Malik al-Amlak. Ou Hakim al-Hukam. Là, hada, fihi tajawuz. Malik al-Muluk, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada, l'offre. La yambari. C'est pour ça que Cheikh al-Islam, il l'a cité. Qala Cheikh ibn Uthaymeen, rahimahullah. أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاء أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه c'est qui le juge des juges c'est Allah سبحانه وتعالى مثلا les juges qui sont في الدنيا qui c'est leur juge qui va les juger c'est Allah عز وجل فدير هذا اللفظ pour un بشر لا ينبغي أما le dire pour un بلاد مثلا قاضي القضاء في بلد المغرب أو بلد المملكة السعودية أو اليمن أو مهم لو بريسيزي افيك ان بلاد قال شيخ العثيمين هذا جائز لأنه مقيد. هذا c'est moins grave. لماذا؟ لأن c'est restreint à tel bilad. Maintenant on dit le juge des juges du Maroc. قال ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل. أما est-ce que c'est du shirk؟ فلا. Dans ce cas c'est pas du shirk, c'est pas un shirk في اللفظ. لماذا؟ لأن il est restreint à tel pays. قال على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان بذلك حتى هذا اللفظ لفدج قاضي قضاة المغرب أو مصر أو نابورت كل بي حتى هذا اللفظ لا ينبغي. لكن إسكو سيدو الشرك؟ لا. شيخ بن باز قال رحمه الله أما إذا قيد قاضي قضاة مصر أو مكة أو غير ذلك فهذا أسهل وتركه أولى. نعم سي موان غراف سي با دو شرك لكن ديليسي سي ميو. شيخ بن باز نعم رحمه الله قال الى ديمونتخي ان الافضل ان يسمى رئيس القضاء او امين القضاء رئيس القضاء نعم مما يبتعد به عن هذه الصفات المطلقه. هذا تمام. نعم دون سيغتان بلاد يديز رئيس مجلس القضاء اي القضاء لي جوج. Ils ont une assemblée dans tel pays, ils sont connus, le juge de Mecca, le juge de Medina, le juge de Riyad. Et ils ont un raïs, et ils ont un responsable. Ils l'appellent raïs, majlis al-qadha. Hala, na'am, pour s'écarter de qadhi al-qadha. Donc, Cheikh al-Islam al-Mu'allif il a cité al-bab, da'iman, pour éviter ce genre de paroles, ce genre de phrases. Et le juge des juges, là, hala, on délaisse tout ça. On lit le bab suivant, لأنه c'est le même حكم. قال باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد. لماذا il a cité ce bab هنا؟ Pour démontrer أن celui qui a هذا اللقب أو هذا الاسم أو celui qui a l'habitude de le prononcer, il doit délaisser. Et pour démontrer celui qui change, qui délaisse, ça montre يحترم الرب عز وجل et ça montre أن في قلبه إيمان وتوحيد. قال عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. يكنى أي سكونيا c'était أبو الحكم. يكنى أبا الحكم. La cunia c'est مثلا أبو فلان, Abu Abdurrahman, Abu Abdelaziz, Abu Mohammed, c'est ça une kunya. Enfin, sa kunya, c'était Abu al-Hakam, Abu Shuraih. Vous avez remarqué qu'elle a changé. Il a changé par Abu Shuraih. Lakin à l'époque, sa kunya, c'était Abu al-Hakam. Faqala lahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha huwa al-Hakam, wa ilayhi al-Hukm. Ça nous montre qu'il faut éviter ces kunya avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Abu Abdurrahman, on ne dit pas Abu al-Rahman. من هذا الباب أبو الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنطق أن الحكم سي الله. فلماذا تتعبل أبو الحكم؟ لأن أبو الحكم سيبقى لبير دو الحكم عيدا بالله للف فيه ما فيه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمنطق كيفو شانجي. لكن يتأملوا هذه الفائدة العظيمة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يدموندي بوركو سيسا منطق الحكمة. Et c'est quoi qui l'a poussé à avoir cette kunya? Thumma, quand il va lui démontrer pourquoi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré pourquoi c'était haram dans notre dîn, et il va lui montrer comment changer. Ça nous montre quand tu parles avec quelqu'un, al-hikma. Khasatan, quelqu'un qui veut du khayr. Et Rabbama, il fait quelque chose de haram, il met un lafd, il met un fi'l. Peut-être qu'il a une excuse, on lui demande pourquoi. Et kadhalik, et ça c'est muhim, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a démontré ses haram, et il lui a remplacé par quelque chose. Alors, ils ont l'habitude, maintenant, une kunya. Il a l'habitude d'avoir une kunya. Et sa kunya, elle est haram. Enfin, on lui montre qu'il y a des kunas, fiha fadl kabir. Avec ismullah, avec ism al-anbiya. Ça nous montre, quand on dit à Wardanes, khasatan al-awam, msakin, ils ont l'habitude de certaines choses, tu lui dis, hada shay, c'est haram, et tu lui montres, anna dans notre din, fadlun azim, Allah, il nous a autorisé des choses qui sont nafi'a pour nous. Matalan, c'est interdit de fumer, de boire, il y en a, ça fait du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a autorisé telle chose et telle chose. Hatta yamsharih sadru. Al-hikma, il y a da'wa, c'est matloub. Et tu as un exemple, il y a hadith, Abi Shuraih. Un exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala, donc Abu al-Hakam, il va expliquer l'imada sa kunya, c'était Abu al-Hakam radiyallahu anhu. Faqala inna qawmi idha akhtalafu fi shay' atawni fahakamtu baynahum faradhiya kila al-fariqayn. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, ma ahsana hadha. Al-Hakam, ça vient de l'hukm, ça vient de juger. Et Abu Shurayh, radiyallahu anhu, à l'époque, quand son qawm, sa tribu, ils avaient un problème, des mashakil, ça arrive entre les voisins, entre la famille, enfin, il revenait à lui. Hatta yahkum, il lui faisait confiance et il parlait de sidq ila akhri. Enfin, ils avaient l'habitude de revenir vers lui. Enfin, ils l'ont appelé, ils l'ont surnommé Abu al-Hakam. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma ahsan hadha. Ay ma ahsan, ce que tu faisais. Al-islah bayna an-nas. Enfin, ça nous montre un certain, si ta parole elle est entendue dans ta famille, a ouvert tes amis, a autoconnaissance, et ils te font confiance, et tu sais, il y a des choses qui ne vont pas, ne reste pas les bras croisés, akhi, en spectateur. Tant que tu n'es pas touché, ça va. Et بعض الناس, ils sont à l'hada. Al-il-asaf, بعض من تعلم, tant qu'il n'est pas touché, il ne parle pas. Mazalan, il sait que tel frère, avec tel frère, ça ne va pas. Probablement, c'est des choses simples. Et il peut réconcilier, parler à un tel, le raisonner, parler à l'autre, le raisonner, essayer de faire l'islah, ça quitte. Bardanas, ils sont égoïstes. Tant que ça ne le touche pas, il ne veut pas avoir de problème, peut-être que l'autre ne va pas accepter, et il ne veut pas se mouiller. Hada la yambar. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma ahsan hada. Et dans un autre hadith, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré, anna afdhal min as-salat wa as-siyam wa as-sadaqa, ay an-nawafil. Mieux que la salat, mieux que le jeûne, mieux que la sadaqa al-umun. Et il recommandait, islah dhat al-bayn, islah dhat al-bayn, et réconcilie entre tes frères mu'mins. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma ahsan hada. Donc il l'appelait Abu al-Hakam à cause de cela. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fama lak min al-walad. Ta'ammalu. Après avoir entendu pourquoi il l'appelait hakada, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré que ce qu'il faisait, c'est tayyib. Lakin, ce qui ne va pas, c'est le love, le nom. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala fama lak min al-walad. Et vous avez remarqué que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas imposé une kunya. Là, il lui a dit, « Fama lak min al-walad, est-ce que tu as des enfants ?»« Qulto, ay, Abu Shurayh, qal, Shurayh, wa Muslim, wa Abdullah. » Il lui a cité trois garçons. Le plus grand, c'est Shurayh. Il l'a cité en premier. « Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faman akbaruhum. » C'est qui le plus grand ?« Qulto Shurayh. » « Faqala sallallahu alayhi wa sallam, fa anta Abu Shurayh. » Rawah Abu Dawud wa ghayru. Wa al-hadith. صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. Ça nous montre كذلك أن الكنية من السنة c'est que ça soit par l'enfant le plus grand et c'est pas wajib. كذلك السنة c'est que ça soit avec le nom des garçons et كذلك c'est pas wajib. لكن السلف كثيرا والصحابة leur كنية c'est avec le nom des garçons et le plus grand. لكن celui qui a une كنية avec un nom, c'est même pas ses enfants, ou il n'a pas d'enfant, ou c'est pas le plus grand, ou le nom de sa fille, l'amr il est wasi'. Lakin al-afdal, celui qui a des enfants et des garçons, c'est le plus grand. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah, wa hatan at-tarjamatan, ay les deux derniers chapitres, man sabba ad-dar faqad adha Allah wa la at-tasammi bi qadhi al-qudha. Et احترام اسماء الله وتغيير الاسم. قال وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق. On est toujours dans des alfad. Vous avez remarqué que c'est des paroles, matalan le juge des juges et matalan Abu al-Hakam. قال وهو انه يجب ان لا يجعل لله ند ان لا يجعل لله ند في النيات والاقوال والافعال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. C'était le chapitre de base dans Al-Alfad. Cheikh l'Islam il a cité, sûrement il a cité plein d'exemples sous forme de chapitre. Ne pas insulter le temps, ne pas dire qadi al-qudha, ne pas dire Abu al-Hakam, changer le nom ou la kunya si c'est haram min hadha al-bab. قال فلا يسمى احد باسم فيه نوع مشاركه لله في اسمائه وصفاته كقاضي القضاء وملك الملوك ونحوها وحاكم الحكام او بأبي الحكم ونحوه Et tout ça, taqaddam ma'ana fil hadith. قال وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ. Tout ça, na'am, pour repousser هذا. لأن البعض ربما يتأثر بهذا اللفظ. Il croit que le sens, il est vraiment réel et ça lui fait du mal à sa aqida. Fermer les portes du shirk hatta avec des alfades. Même si l'insan, son intention, c'est pas cela. Maintenant, insulter le temps, son intention, c'est pas d'insulter Allah. On ferme la porte. Les mains d'Aliana, c'est d'aucune utilité. Et Kadalik, ça peut ouvrir un bab, chat. Qala, hatta fil alfad allati yukhsha an yatadarraj minha ila an yudhan musharakatu ahadin lillah fi shay min khasaisihi wa huquqih. Intaha. Kadalik, استفدنا من الحديث الأخير أن celui qui a un nom حرام فيغير أو من كنية محرمة فكذلك تغير هذه الكنية مثلا كم لنوع عبد النبي بعضهم يسمى بعبد النبي النبي صلى الله عليه وسلم c'est un بشر مخلوق فعبد النبي ça veut dire le serviteur du prophète صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز التعبيد لله وحده فمثل هذا يغير أو إن كنية محرمة فالإنسان ينتبه كذلك نستفيد أن الإنسان quand il donne des prénoms à ses enfants أو يشوزي إن كنية il prend le واضح كم من الناس ils ont dû changer leur كنية أو les prénoms de leurs enfants لماذا لأنهم ils ont choisi des choses pas claires بعضهم ils ont donné des noms à leurs enfants en se basant sur leur pays خاصة بلاد الأعاجم d'Afrique ou d'Asie. Ce n'est pas des pays arabes, donc le lafz, Rubama, il a appelé, il y en a où il est répondu, وَأَعْجَبَ ثُمَّ بَعْدْ مُدَّ il a su que ce lafz vihi ma vie. Il y a des choses de haram, ça veut dire telle chose. Et ils ont été obligés de changer le nom. L'insan, c'est un musulman, il prend des noms, des prénoms. Pour les garçons, les noms des prophètes, les noms des compagnons du prophète, c'est un kathira. كَذَلِكَ التَّعْبِيدُ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ c'est مِنْ أَفْضَلَ الْأَسْمَاءِ. Et pour les filles, كذلك les noms qui sont cités dans le Coran, Maryam, et les noms des sahabiyats, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah. كذلك le kunya apprend quelque chose de واضح. أما البعض الظاهر عندهم تكلف dans التسمية. بعضهم ils cherchent, ils veulent un nom que personne n'a. Ah non, il n'y a pas de haja. Un nom, c'est un nom. L'essentiel, c'est le shakhs lui-même. S'il est à la khair, il sera à la khair. Enfin, on fait attention à hada, choisir des prénoms qui sont à la sunna. Mais celui qui a été prénommé et ses parents lui ont donné un nom, ou Mskin Sarir, certains de ses parents, ce n'est pas des musulmans, mais son nom, Fihimavi, alhamdulillah, il change son nom, comme Abu al-Hakam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lui a changé sa kunya, Abu Shuraya. Et Kathir ibn al-Sahaba, ils avaient des noms à l'époque, avant de rentrer dans l'islam, ils avaient des noms. Abd al-Shams ou Abd al-Manat ou Abd al-Uzza, ils avaient ce genre de nom. Thumma, quand ils sont rentrés vers l'islam, le Nabi sallam, ils changeaient leur nom. Abd al-Rahman, Abdullah, Abd al-Aziz, ila akhir. Naktafi bihada, et on passe au deuxième tars.